L'aéroscaphe suit son chemin. Il n'a peur ni des pièges du soir, ni de l'âcre vapeur, ni du ciel où rien ne bouge, où les éclairs, luttant au fond de l'ombre entre eux, ouvrent subitement dans le nuage affreux des cavernes de cuivre rouge. Il invente une route obscure dans les nuits. Le silence hideux de ces lieux inouïs n'arrête point ce globe en marche. Il passe, portant l'homme et l'univers en lui. Paix, gloire, et comme l'eau jadis, l'air aujourd'hui de ses flots voit l'arche. Le cernavire court par le vent emporté avec la certitude et la rapidité du javelot cherchant la cible. Rien n'en tombe, et pourtant il chemine en semant. Sa rondeur, qu'on distingue en haut confusément, semble un ventre d'oiseau terrible. Il vogue. Les brouillards sous lui flottent, dissous. Ses pilotes penchés regardent, au-dessous des nuages où l'ancre traîne, si dans l'ombre où la mer avec l'air se confond, le sommet du Mont-Blanc ou quelque autre bas-fond ne vient pas heurter sa carène.